Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, parfois appelé musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, est situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine, qui lui donne son nom et au pied de la Tour Eiffel. Le projet est porté par Jacques Chirac et réalisé par Jean Nouvel et il est inauguré le 20 juin 2006. Le musée du Quai Branly a pour objet la représentation des cultures autres, expression employée par le président Jacques Chirac dans son discours d'inauguration. Jacques Chirac a choisi le musée du Quai Branly, un musée ouvert sur le monde qui ne traite que des civilisations non occidentales, c'est-à-dire des arts et civilisations d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et des Amériques. Pour accompagner le visiteur selon ses centres d'intérêt, sa reconnaissance du musée, ses disponibilités, sa situation familiale et sociale, le musée répond à ses exigences en proposant des visites guidées, comptées, stages, ateliers et des autoguides. Pour entretenir un lien permanent avec ses visiteurs, le musée décline une partie de son offre culturelle et de ses services sur les supports numériques. Le musée s'est également engagé dans une politique d'accessibilité pour répondre aux besoins des visiteurs en situation de handicap. Au-delà des aspects techniques et matériels, la médiation humaine est au cœur du dispositif de cette politique d'accessibilité. 300 000 œuvres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques constituent la collection que le musée a pour mission de conserver, de documenter et d'enrichir. La collection abritée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac est très diverse, tant dans ses régions, Afrique, Asie, Océanie et Amérique, que dans sa composition, photographie, textile, sculpture, masques, etc. Elle est le résultat d'une histoire depuis le néolithique, en passant par les rois de France jusqu'aux explorateurs et grands ethnologues du XXe siècle. Concernant l'architecture, le musée du Quai Branly se compose de quatre bâtiments distincts, possédant chacun une architecture propre, reliés par des chemins et passerelles, conçus pour s'adapter avec précision au fonctionnement de l'établissement et de ses différents départements, notamment les différentes régions non occidentales et ses différentes directions. Ils semblent être des entités autonomes dans l'enceinte du musée, capable de se combiner en totale harmonie entre eux et l'environnement urbain. Pour finir, le Quai Branly Jacques Chirac est un des musées les plus visités au monde, environ plus de 10 millions de visiteurs par an, et ouvre en 2006 une large visibilité sur la culture non occidentale.